Salut à toutes et à tous et bienvenue dans En Piste les Artistes, votre émission consacrée au spectacle vivant. Je suis très content de vous retrouver comme toutes les semaines pour En Piste les Artistes, votre rendez-vous tous les vendredis à 18h. Aujourd'hui, petite nouveauté, je ne serai plus le seul maître à bord dans cette émission, puisque Clément Suparo me rejoint. Bonjour Clément. Bonjour Manu, bonjour à tous. Alors, peux-tu te présenter un petit peu pour nos auditeurs qui maintenant vont entendre ta voix quasiment tous les vendredis? Oh, quel plaisir ça va être pour eux. Je suis un ancien élève du MIRAI, plutôt de l'Université Jean Jaurès. Ça fait plaisir de retrouver la fac après quelques modifications. Et à côté de ça, je suis actuellement comédien au sein du collectif Tout Me Happe, dont nous faisons partie tous les deux avec Manu. C'est un peu d'autopromo, on en profite. Pour une fois, vous avez remarqué que je suis resté très sage de ce côté-là depuis le début. Et à côté de ça, je suis donc comédien et je participe à différents projets, web-séries, pièces, etc. au sein de différentes structures, un peu partout en France. Eh bien, merci beaucoup pour cette petite présentation, Clément. Et pour cette première émission pour toi, on va aller rencontrer un grand monsieur du théâtre. Tout à fait. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler avant que l'on entame la diffusion de cette interview? Il s'agit de Jean Bellorini. Peut-être que les connaisseurs parmi vous retiendront le nom ou ont retenu son nom, puisqu'il a été un artiste invité du TNT pendant plusieurs années et qu'il y a présenté nombre de ses pièces. Et nous sommes allés le voir dans le cadre de la pièce Karamazov, qui a été jouée le week-end dernier, ou du moins donc du 22 au 25. Et nous sommes allés l'interviewer avant la première, donc le 22, au Théâtre National de Toulouse. À noter que c'est un artiste qui nous a beaucoup inspiré, nous, pour une pièce que l'on a montée, L'étrange Noël de Scrooge. Et d'ailleurs, il devrait y avoir une représentation qui devrait se faire dans les mois qui viennent. Nous vous tiendrons au courant dès que ça sera officiel. Eh bien, c'est parti pour l'interview de Jean Bellorini. Alors, nous sommes aujourd'hui avec Jean Bellorini pour le spectacle Karamazov. Jean Bellorini, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à la fois directeur du théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, metteur en scène, dramaturge et enseignant. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus en détail pour les auditeurs? Là, je suis avant tout metteur en scène de ce spectacle Karamazov. J'ai eu une formation de comédien. Et puis très très vite, j'ai préféré être du côté du regard, de celui qui renvoyait ce qu'il voyait, et d'inventer des histoires et des spectacles. Et on a assez vite fondé une troupe en sortant de l'école, dont la plupart des acteurs encore aujourd'hui de Karamazov sont issus. Il s'agit de l'école Claude Mathieu, et dans laquelle j'ai enseigné juste après être sorti en tant qu'élève. Donc j'ai pu, pendant de nombreuses années, avoir comme ça des liens avec des jeunes acteurs sortant de l'école que je rencontrais. Et puis j'ai eu la possibilité, grâce à ces moments d'enseignement, d'apprendre bien autant que les élèves, en l'occurrence, sur des auteurs qu'on choisissait, allant de Horvath à Brecht. On choisissait des grandes thématiques et on travaillait pendant 3 mois sur un auteur en général. Et c'était le moment de la découverte, souvent, de textes. Et puis j'ai avancé avec notre troupe, la compagnie Art de Lune. On a été notamment abrité au Théâtre du Soleil de nombreuses années grâce à Ryan Mouchkine. J'ai été par la suite associé au Théâtre National de Toulouse pendant 3 ans, où j'ai fait 2 créations, Paroles gelées de Rabelais et La bonne âme du Sechuan de Brecht. Suite à quoi j'ai été nommé directeur du Centre dramatique national de Saint-Denis depuis 2014, date à laquelle j'y suis, et j'ai fait ce spectacle Karamazov à Avignon cet été, qui est en tournée depuis. Alors, nous avons remarqué parmi les nombreux spectacles que vous avez montés que vous avez adapté plusieurs romans au théâtre, entre autres Karamazov, Tempête sous un crâne d'après Les Misérables. Et comment est-ce que l'on amène au plateau ces œuvres littéraires-là ? C'est effectivement quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, le récit, le fait de raconter des histoires et que le théâtre se situe à un endroit de vérité qui appartient à l'imaginaire commun. Mais le théâtre, c'est pas ce qu'on montre, c'est pas ce qu'un spectateur voit, c'est ce qu'ensemble les acteurs et les spectateurs imaginent. Et donc c'est libre, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et c'est vrai que dans la littérature, on retrouve exactement les mêmes principes. Et puis le fait d'adapter des textes qui ne sont pas faits pour le théâtre a priori donne une liberté et oblige quelque part les acteurs et toutes les personnes qui sont concernées par le spectacle à être auteurs de ce spectacle, bien plus que si j'avais juste à faire une distribution et que les acteurs rentrent dans des rôles. Finalement, là, non seulement il y a la distribution, mais il y a aussi la nécessité pour chaque acteur de défendre ce petit bout de texte qu'il lui revendique, qu'il veut, qu'il ne veut pas lâcher, qu'il ne veut pas ne pas dire. Et tout le travail est fondé sur cette dialectique-là de l'adaptation qui se fabrique au fur et à mesure que se monte le spectacle. Et puis, il y a l'autre règle qu'on se fixe depuis toujours, c'est de monter des langues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul mot dans les spectacles que je fais qui ne soit pas de l'auteur. Il n'y a pas de réécriture, il n'y a pas d'improvisation de texte. Le texte est le texte du livre, que ce soit Karamazov, que ce soit Les Misérables de Hugo, que ce soit les romans de Rabelais. Voilà, ce sont les mots de l'auteur et nous revendiquons la fidélité, la transmission d'un texte sur une feuille de papier à tout d'un coup les paroles gelées de Rabelais qui deviennent vivantes et qui prennent forme dans l'air. Voilà, ça c'est le postulat de base de pourquoi on fait du spectacle, c'est le récit d'un côté et la musicalité, Rabelais le dit mieux que moi, de l'autre. Vous avez donc travaillé, vous avez une formation d'acteur et on sent que vous êtes vraiment passionné par le travail de l'acteur aussi. Mais du coup, la question qu'on se posait aussi, c'était de savoir quelle était à vos yeux la place du metteur en scène là-dedans, puisqu'on sait que vous donnez une énorme importance à la scénographie et aux voix, aux lumières, que vous créez très fréquemment. Qu'est-ce qui est central pour vous en tant que metteur en scène? C'est difficile à dire. Effectivement, pour moi, le centre de tout, c'est l'acteur. C'est le dialogue artistique avec un acteur sur un plateau de théâtre. Et c'est ça qui donne tout l'intérêt, finalement, du travail pour moi. Après, le rôle, si j'essayais de définir un tout petit peu la mise en scène, c'est la conciliation au bon moment des bonnes intuitions et des bonnes choses à dire. Et puis être à l'écoute le plus sincèrement possible des propositions communes, que ce soit des acteurs, que ce soit des techniciens, que ce soit voilà, c'est être le pivot, celui qui recueille, qui récolte toutes les informations pour tout d'un coup en transformer quelque chose de cohérent et d'unifié. Il n'empêche que je revendique le fait que moi, comme metteur en scène, je signe ça, mais le spectacle appartient profondément à tous et profondément à quelque chose de collectif et de choral. Et les propositions, voilà, on devrait signer tous quelque part la mise en scène. Après, dans la scénographie et surtout les lumières, il y a cette partie de mon travail qui, je pense, fait complètement partie de mon travail en tant que metteur en scène. Pour la scénographie, c'est plus des espaces à jouer, souvent des espaces libres, en fait, dans lesquels on peut évoluer, dans lesquels les comédiens vont avoir plein de propositions et vont pouvoir inventer des choses. Donc, il s'agit de concevoir des boîtes à jouer pour les acteurs. Par contre, le moment de la lumière, le moment de la création lumière, là, je deviens beaucoup plus directif. Et là, effectivement, je ne sais pas pourquoi et comment vous l'expliquez, mais j'ai regardé pendant 2 mois les acteurs faire tout et n'importe quoi et on s'est parlé beaucoup. Et puis, il y a un moment où je suis capable de dire à un acteur, là, tu ne bouges pas de là et tu te déplaces en 12 secondes parce qu'il y a une balance, une bascule de lumière en 12 secondes. Et pour des raisons extrêmement techniques, mais à aucun moment je dis à un acteur, je pense que psychologiquement, c'est plus important qu'il reste là ou pas. J'en sais rien, en fait. Et je pense que lui a une intuition, moi, j'en ai peut-être une. On en discute, mais je sais que je ne sais pas. Alors que pour la lumière, quand je conçois, quand on fabrique l'artisanat technique des choses, là, y a une partie plus directive du metteur en scène qui intervient. Une autre chose assez importante qui est présente dans beaucoup de vos œuvres, c'est que ça chante et ça joue de la musique beaucoup. Et on se posait du coup la question, à vos yeux, quelle est la place, le rôle presque plus de la musique dans la création théâtrale, qui n'est pas encore une évidence dans la tradition théâtrale française. Par rapport à la musique, il y a toujours quelque chose de contradictoire avec une langue écrite et poétique. Et c'est vrai que Beckett, par exemple, disait qu'il voulait absolument rien d'addition, rien d'additionner, qu'il y ait le silence et qu'il y ait ces mots. Et ce que j'entends parfaitement. Moi, j'ai l'impression que tout ce qu'on entend sur le plateau est musique. Et tout ce qu'on entend, même la respiration des acteurs, rajoute quelque chose à la musique du spectacle. Et que donc, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition, en tout cas, entre la langue et une forme de musique qui pourrait être, d'un mauvais point de vue, additionnelle, alors que moi, je considère qu'elle est justement le cœur de l'acteur, elle est l'intérieur du crâne de l'acteur, elle est le cœur au sens scientifique, la palpitation de l'âme. Et au même titre que, encore une fois Rabelais, mais les mots, certes, ont un sens, mais surtout provoquent des sens, et juste la sonorité d'un mot, la sensibilité de l'écoute de ce mot, il raconte différemment en fonction de qui le dit, et de la manière dont on le dit, et le rythme avec lequel on le dit. Pareil, il y a quelque chose d'au-delà de la raison qui intervient de manière sûrement peut-être plus universelle grâce à la musique. Alors, encore une fois, ce n'est pas une question de l'un contre l'autre. Ce n'est pas le sens contre les sens. Ce n'est pas le sensible contre la raison. C'est le prolongement, c'est la suite. C'est quand on ne sait plus comment dire avec les mots, on le dit avec le cœur. C'est quand on ne sait plus pourquoi on se met à chanter les choses. Pourquoi, mais au fond, en se rappelant toujours que tout ce que l'on dit, on le chante déjà, en fait. Là, je suis en train de vous parler et on pourrait écrire une partition de ma voix parlée. C'est ce même principe-là qu'on essaie de pousser. Et puis, en l'occurrence, dans Karamazov, de manière peut-être plus concrète, au-delà d'un battement de cœur qui soutient, finalement, qui élève, qui soulève les cœurs des acteurs comme ceux des spectateurs, donc qui fédère, qui rassemble, au-delà de ça, il y a certains moments où je pense que la raison s'arrête, le texte se coupe quand Dostoïevski écrit pendant 40 pages sur une thématique qu'il développe de manière empirique. Il y a quelque chose de l'ordre du spectateur de théâtre qui ne peut pas recevoir. Quand on lit, on peut fermer son livre, se reposer et le réouvrir quelques minutes plus tard. Là, j'ai l'impression qu'au théâtre, il y a un moment, un point d'impossible réception pour scientifique, enfin cérébrale en tout cas, et tout d'un coup, ça, on l'éprouve dans le spectacle à plusieurs moments. Le piano et la virtuosité d'un Tchaïkovski, par exemple, ou de je ne sais quel autre grand classique construit, c'est encore une langue, cette musique, prend le relais concrètement du sens. Et tout d'un coup, voilà, un acteur développe, tout d'un coup, il s'arrête, la musique continue, et je pense que les acteurs entendent la suite comme s'ils pouvaient lire la suite du livre. Alors nous avons un tout petit peu évoqué la pièce Karamazov en tout début d'interview. Donc je rappelle que c'est une pièce qui est jouée donc du 22 au 25 mars au Théâtre National de Toulouse. Et on voulait un petit peu savoir si vous pouviez un petit peu nous présenter cette pièce. Pourquoi cette pièce finalement et ce qu'elle raconte aujourd'hui? Qu'est-ce que cette pièce? Qu'est-ce que ce livre d'abord qui pour moi était très important sur un livre sur la liberté aujourd'hui? C'est assez simple, c'est trois frères, un quatrième qui ne l'est pas vraiment, un père, un héritage raté et tout d'un coup un parricide. Et l'enquête de qui est celui des frères qui a tué. Et évidemment, on sait bien que c'est l'ensemble qui ont tous, ils ont chacun évidemment une part. Ça, c'est pour le résumé sensé et finalement assez simple de cette histoire. La vraie raison d'amour pour laquelle j'ai voulu m'engager là-dedans, c'est notamment le Grand Inquisiteur et ce grand passage sur cette quête sur ce pourquoi nous avons été abandonnés de Dieu. Et l'homme a toujours cherché plus de liberté et en même temps toujours a été assourdi par cette liberté qu'on lui a donnée. Et ce libre arbitre qu'il obtient, c'est ça qui le tue et c'est ça qui le pousse aux guerres, à tout ce qu'il y a de pire au monde. Et ces résonances avec concrètement notre monde, c'est cette perte de repères et cette envie extrême, peut-être plus que jamais, de liberté, et en même temps ce retour à la religion, ce retour à un diktat de quelque chose, comme si l'homme aujourd'hui avait plus besoin qu'il y a quelques années d'être assouvi et d'être représenté par une force, un dieu, qui lui dicterait ce qu'il devrait ou pas faire. Et cette perte de courage-là, elle est flagrante aujourd'hui. C'est comme si l'homme refusait d'être autonome profondément. Et en même temps, on sait bien que l'homme a toujours cherché la liberté. Voilà, pour moi, ça parle de ça. Vous êtes donc le directeur du théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis. En faisant quelques recherches, on s'est aperçu que pour vous, le théâtre en tant que service public avait une importance prépondérante dans votre travail et dans votre démarche artistique. Et on voulait savoir aussi quel en était votre point de vue, du point de vue du public étudiant. Je pense que les étudiants, mais plus avec un peu plus de distance, les intellectuels, ont un rôle à jouer dans notre société immense. Et il y a quelque chose quand même un peu déserté à cet endroit-là, de ce recul, de cette conscience posée, réfléchie sur l'acte artistique. Et je pense que l'acte artistique n'existe qu'à travers ces regards-là, et que on en manque toujours. Et donc, bien entendu, que ça a pour moi une grande importance que nos spectacles soient l'endroit du débat, Il ne s'agit pas d'être dans le j'aime ou j'aime pas, il s'agit d'être dans le pourquoi et comment et qu'est-ce qui est. Je crois qu'au théâtre, on pose des questions plus qu'on donne des réponses. Et donc, c'est quelles questions sont posées pour notre monde. Et ça, bien entendu, que la jeunesse d'une part, et l'intelligence de l'autre part, sont fondamentales pour que tout ça existe et tout ça ait un sens. Et on en manque aujourd'hui, je crois. On manque un peu de cette conviction réfléchie. On a des convictions passionnées, on a des passions convaincues, mais on manque un peu de cette distance et ces réflexions juste du pourquoi. Moi, je suis convaincu que le théâtre, en tout cas l'art, a quelque chose à faire avec le monde. Évidemment, on ne peut pas dire l'art sauvera le monde. Enfin, aujourd'hui, on ne peut plus tout à fait dire ça, en tout cas pas naïvement. Et en même temps, le beau a quelque chose à voir avec nous. L'art et l'éducation vont de pair. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui apprendre ce que l'on sait, ce qui a été, mais l'art nous aide à apprendre ce que l'on ne sait pas et ce qui n'existe pas encore. Et c'est que cette complémentarité de tout ça qui peut faire grandir notre société. Alors nous arrivons à la fin de cette interview. Et juste une toute dernière question qui est la tradition de l'émission. Nous demandons à notre invité de choisir la chanson de fin de l'émission, la chanson de générique. Donc je vais vous demander une chanson qui vous passe par la tête, que vous souhaiteriez entendre comme générique de l'émission. Vous comprendrez sûrement pourquoi, mais Tombe la neige d'Adamo. Si vous-même, vous n'avez pas eu le temps de voir Karamazov, la pièce de Jean Bellorini au TNT à Toulouse, et que vous avez l'occasion de le voir ailleurs en France, voici les dates. Du jeudi 30 mars au vendredi 7 avril au Théâtre des Célestins à Lyon. Le 20 avril 2017 à 19h au Domaine d'Eau à Montpellier. Du jeudi 27 avril au vendredi 28 avril à 7, à la scène nationale de 7 et du bassin de Thau. Le 12 mai à Compiègne, à l'espace Jean Legendre. Du vendredi 19 mai au samedi 20 mai, donc à la Comédie de Clermont-Ferrand. Et du mercredi 31 mai au jeudi 1er juin à Quimper, au théâtre de Cornouailles. Que va-t-il se passer dans les semaines et les mois qui viennent au Théâtre National de Toulouse ? Alors, on a fait le choix volontairement de ne vous parler que des pièces pour lesquelles il reste des places, parce que ça peut être un petit peu frustrant de se dire « il va se passer ça », mais ça va être compliqué d'aller le voir puisque c'est complet. Du moins des places disponibles sur le site. Premier spectacle, donc, du 18 avril au 13 mai, le spectacle « Les oiseaux », d'après le texte d'Aristophane, traduit par Agathe Mélinan et mis en scène par Laurent Pelly. Et c'est donc une production Théâtre National de Toulouse. À noter que le texte « Les oiseaux », avec la traduction d'Agathe Mélinan, est publié aux éditions « Les solitaires intempestifs ». Également du 3 au 5 mai, « De l'imagination », librement inspiré de Barbe bleue de Charles Perrault, avec un texte et une mise en scène de Clara Lepicard. au petit théâtre du TNT pour une durée approximative de 1h10. Production Théâtre du Jeu de Paume, Aix-en-Provence. Pour finir, du 17 au 20 mai, dans la grande salle du TNT, un spectacle qui dure environ 1h30, le spectacle Mouedeur, conçu et mis en scène par Gabriella Carizo, et c'est une production Peeping Tom. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site du TNT, www.tnt-cité.com. Cette semaine, pour la rubrique littéraire, nous avons décidé, suite à la rencontre avec Jean Bellorini, de vous présenter une pièce qui a déjà été montée et qui a déjà été présentée au TNT, La bonne âme du Szechuan de Bertolt Brecht, édité chez L'Arche. Pour faire un résumé assez simple de la pièce, c'est toujours compliqué de résumer une pièce de Brecht, mais les dieux descendent sur Terre et pour trouver des personnes qui respecteraient leurs préceptes. Ils arrivent dans la province chinoise du Szechuan et tombe sur Shen Te, une prostituée qui est la seule à vouloir les accueillir malgré ses propres difficultés. Pour la remercier, ils lui remettent une forte somme d'argent avec laquelle elle achète un débit de tabac. Sauf que respecter les préceptes de la religion et les préceptes de la bonne conduite deviennent beaucoup plus compliqués pour Shen Te. Je n'en dirai pas plus pour ne pas révéler les méandres de l'intrigue. Et je vais laisser Emmanuel lire le quatrième de couverture sur l'édition de L'Arche. Alors à noter que c'est un livre qui a été publié sous plusieurs formats à L'Arche, puisqu'il est L'Arche a publié l'ensemble des œuvres de Bertolt Brecht, où apparaît évidemment cette pièce. Là, on a pris la version individuelle, où il y a juste cette pièce, La bonne âme du Szechuan. Et donc voici la quatrième de couverture. J'ai toujours entendu dire... Quand on aime, on marche sur un petit nuage, mais ce qui est bon, c'est qu'on marche sur la terre, sur l'asphalte. Vous savez, le matin, les pâtés de maison ressemblent à de gros tas d'ordures dans lesquels on aurait allumé des lumières quand le ciel est déjà rose et encore transparent parce qu'il n'y a pas de poussière. Vous voulez que je vous dise? Vous perdez beaucoup si vous n'êtes pas amoureux et que vous ne voyez pas votre ville à l'heure où elle se lève de son lit, comme un vieil artisan qui, le ventre vide, emplit ses poumons d'air frais et saisit ses outils, ainsi que chantent les poètes. Nous allons maintenant vous lire l'interlude de la pièce. Je vais lire à la fois les didascalies et les paroles prononcées par les dieux, et Clément va vous lire les paroles prononcées par Wang, le porteur d'eau. Sous un pont. Le porteur d'eau est accroupi près du fleuve. Il jette un coup d'œil autour de lui. Tout est calme. Ça fait déjà 4 jours que je me cache. Ils ne peuvent pas me trouver, j'ouvre l'œil. J'ai fait exprès de me sauver dans leur direction. Le deuxième jour, ils sont passés sur le pont au-dessus de moi. J'ai entendu leurs pas. Ils doivent être déjà très loin maintenant. Je n'ai plus rien à craindre. Il s'allonge et s'endort. Musique. Les talus deviennent transparents et les dieux apparaissent. Wang cache son visage avec le bras, comme s'il allait être frappé. Ne dites rien! Je sais! Je n'ai trouvé personne pour vous héberger, personne qui veuille nulle part dans aucune maison. Voilà! Vous savez tout, maintenant. Vous pouvez continuer votre chemin! Tu as trouvé quelqu'un, pourtant, qui est venu alors que tu étais déjà parti. Elle nous a accueillis pour la nuit. Elle a veillé sur notre sommeil. Elle a éclairé notre départ au petit matin avec la lampe. En plus, c'est toi-même qui nous a dit que c'était quelqu'un de bien. Et c'était quelqu'un de bien. Alors, c'est Shen Te qui vous a accueilli ? Naturellement. Et moi, homme de peu de foi, qui me suis sauvé ? Tout ça parce que je me disais, elle ne peut pas venir. Ça ne marche pas très fort pour elle, elle ne peut pas venir. Tu es un homme faible. De bonne volonté, mais faible. Où règne la détresse? Il pense qu'il n'y a pas de bonté. Où règne le danger? Il pense qu'il n'y a pas de bravoure. La faiblesse ne voit de bien nulle part. Juge en toute hâte et désespère à la légère. J'ai tellement honte, inspiré. Et maintenant, porteur d'eau, tu vas nous faire le plaisir de retourner au plus vite à la grande ville pour voir ce que devient notre bonne Shen Te et nous en rendre compte. Ça marche bien pour elle maintenant. Elle a reçu de quoi acheter une petite boutique, si bien qu'elle peut suivre tous les élans de son cœur chaleureux. Fais en sorte d'avoir de l'intérêt pour sa bonté, car nul ne peut rester bon bien longtemps si la bonté n'est pas sollicitée. Quant à nous, nous voulons poursuivre notre chemin et trouver d'autres âmes qui ressemblent à notre bonne âme du Sichuan, afin que cesse le bruit que sur terre, il n'y a plus de vie possible pour les bons. Ils disparaissent. Eh oui, en piste les artistes, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais nous nous retrouvons dès la semaine prochaine. Nous tenons à remercier Jean Bellorini pour nous avoir accordé cette interview, ainsi que l'équipe de communication du TNT qui nous a mis en communication avec lui. Nous remercions également l'équipe de Radio Montmirail et surtout vous, chers auditeurs. Comme toujours, si vous souhaitez nous écrire pour nous faire des suggestions ou tout simplement pour nous dire que vous aimez cette émission, n'hésitez pas à nous écrire par mail. Je vais donner mon adresse mail, c'est le plus simple puisque tout le monde la connaît déjà, à savoir emmanuel.fitou, emmanuel.fitou@gmail.com. Nous ne manquerons pas de vous écrire et de vous répondre dans la mesure du possible. Et également, si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et comme conformément à la demande de Jean Bellorini, nous vous laissons sur « Tombe la neige » de Salvatore Adamo. Salut à tous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège tout en larmes blanches. L'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. Certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Love.